Si la question sillonnait de déranger en rangée. Donc, qui m'a et tambola qui, n'a zéla m'a qu'on a m'a j'ai demandé de ma soeur, as-tu reçu la grâce? J'ai commencé aussi pour y avoir un zambé. Une grâce excellente. Bolo le kil polo. Yo pelo kola. Et toi? Yo kuna. Et toi? Yo. Et toi? Yo pelo kola. Et toi? Et toi? Vous allez comprendre. Meko, s'il vous plaît, Mangolou. Meko, et toi? Meko, et toi? Meko, et toi? Meko, et toi là-bas? Meko, Kuna. Amen. À chacun de nous. Amen. La Bible dit, mon âme le croit. Je ne veux pas refuser. Je ne veux pas refuser. La grâce n'est grâce. Bonjour, c'est le bonheur de l'eau. Pour celui qui la reçoit. Bon, là, pour un bonheur de l'eau. Amen. Ça, c'est beau et merveilleux. On est allé qui sont contre ma langue. La grâce pour celui qui la reçoit. Et ça, l'eau, quoi. Il y a bien, voyez bien, voyez bien, voyez amen. Je voudrais entendre quelqu'un dire je l'ai reçu, Seigneur. La polinga de tout le monde va être la type au yambavo polo. La yambi en amen. Par sa grâce, tes péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Amen. Mais c'est par grâce. Et ça nous revient, c'est l'homme pour nous. Amen. Amen. Amen. C'est amen. Par grâce que nous sommes et sauvés. Et ça lui dans l'homme pour nous, pour tout ça. Par grâce, il est en pardonné. Et ça lui dans l'homme pour nous, c'est pour l'homme du Seigneur. Je sais que tu ne le mérites pas. La Dieu est yo, comme dit l'angoté. Ne me rappelle pas que tu ne le mérites pas. Ou pas, c'est la vaille qui était yo, c'est pour que l'angoté. Je vais devoir lui prêcher la grâce. Vaille dans sa vie, dans mon combat, à côté de mon père, comme l'angoté. Et bien dire aux croyants. Et comme l'angoté dit. Que la grâce de Dieu. Et comme l'angoté. À laquelle vous êtes attaché. Ça, tu l'angoté, c'est pour pas l'angoté. Elle est impérissable. L'angoté, ça lui donne seul. Elle n'est pas la trompeuse. Et j'allais constater le coutaké. Elle est la véritable. Et j'allais, oh, il y a seul le point à prendre une aïeule. Oh. Pues ton âme s'est retrouvée. Voilà. Moi, la aïeule, elle écoute. Au combunga bunga souza la vie. Laisse que ton âme se retrouve dans les choses de Dieu. Acte des apôtres chapitre 15 verset 43. L'on nous dit ceci: et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent comme moi aussi maintenant, à rester attaché à la grâce de Dieu. Voilà, et si la qui, Bayanga, Niko, Palankarabato, Mingi, la Bayuda, Bassembeli, Oyo, Babonga, la qui Bayuda, Babili, Paulo, Naba, la Naba, Baoyo, Bassololi, na Bangoko, Komeka, Kondinisa, Bangoko, Wumela, Nangolu, la Zambi. Si c'est exhorté même ce matin, reste attaché à la grâce de Dieu. Ne t'en détache pas. Ne l'oublie pas. Ne t'en détourne pas. Ne t'en détache pas. Et si c'est vrai que tu es attaché, mon second devoir, voilà, et comme c'est l'angle mauvais qu'on a mis dans les balais, de te rappeler encore la coupante de la lissoussou, une autre vérité biblique. Pour le monsieur sur la Bible, hein. Béni soit le nom du Seigneur. Et pas pour la macou mon encolo. Pierre chapitre 5. Au canal du Bosso, il y a Pétélo, au Capitaine. Verset 12. De la coutanga à Zomi. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux, un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. Pour vous exhorter, encore une fois. Bah, bon, et pour vous attester, nous devons le dire. Et la grâce de Dieu, c'est cette grâce-là, à laquelle vous êtes attaché, est la véritable. La première vie de moi, ma loba, oyo, na matoko, na siluano, oyo, na kanisi, le kola, ndeko, na sembo, pona, koi, koi, ki, sabino, piko, pe, potato la ete, oyo e jalingo luna nzambe solo, botele ma na yango ngui. Et tu es attaché vraiment. Et que tu l'as reçu comme tu as témoigné. Et si moi, par devoir, je l'ai déclaré. Pour vous libérer de toute condamnation. La loi t'a condamné. Et la grâce t'a justifié par la foi. Si tu suis la condamnation, et tu te verras que du noir devant toi. Et quand tu acceptes la méfiance de grâce, la lumière du Seigneur se lève. Même le mari qui te tracasse, il n'aura plus peur, parce que par la même grâce, il t'a accepté quand tu étais inacceptable, quand tu ne méritais rien, mais la grâce t'a ramassé dans le monde, la grâce t'a lavé dans le monde. Par les jours de séparation. La main de votre par la même grâce. La tu vaincras toutes choses. Amen. Tu remonteras tout. Par la même grâce. La tu resterais attaché. Allez, vous, si la ma colère, ma paix. Ma kangami. Amen. Ma yekami. Pouette na shibami. C'est vrai. Amen. Ah! N'a pas tigaté! N'a kadami! Amen! N'a yekami! Amen! Pour n'a simbami! Sa main de miséricorde est le bon pour la bouffe, la licole en baille! Le Père Céleste me tient par la main! Attends! Ouais, licole en simbami! Je vais trébucher! Attends, la bonne foi! Même si je perds de force! Attends, la bouffe du tout le passé! Ton bras me soutiendra tout! Le bon pour la bouffe, simbami, t'en veux l'autre! Il me gardera en équilibre. La main, la main, la côté il me réalisera. À côté de la main. Toute chute. N'a pas quoi, ça m'a dit. Alors, il a dit. Allô, vie. À celui qui peut vous préserver de la vie. À quoi, à quoi, la vie, n'a pas quoi, ça m'a dit. À lui soit la gloire. Et pas et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Cette grâce merveilleuse. Grâce à ton nom, quel doux sentier t'en va un vil comme moi. Foutu. J'étais perdu, je serais trouvé aveugle. Maintenant, je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Et l'autre me peur. La peur est une malédiction pour le croyant. Par cette grâce. Oh mama, oh, j'ai crié, louange à Jésus. À Saint-Joël et à Jésus-Christ. Dans les dangers, peines, pièces, par où je suis passé, je suis passé, cette grâce qui m'a gardé. Saint-Saëns me conduira au ciel. Le Seigneur a promis. Le Seigneur m'a promis qu'il vient. Sa parole me soutient. Elle me soutient, je ne faillirai pas. Conduira mon n'a pris ma part tant que j'aurai la vie. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Ah, mais à tout, nous sommes venus à l'idée là. Elle est véritable cette grâce. Bon, nous, on est à l'épreuve, seul. Et là, j'y resterai attaché. Je ne céderai pas. Il m'a gardé en 2021. À l'insu des spéculateurs. Il me gardera en 2023. Il me gardera en 2023. Il me gardera en 2023. La même grâce. J'ai déjà échappé à un piège. Là, il a signé pour qui, madame Otambo. De mettre toute la façon sur 2020. Par la grâce de Dieu. Et Dieu, après l'avoir fait, nous devons savoir maintenant. Pourquoi dire, bateau, Tobosanique, référence Mogo Zalakiawa. Mais tout comme en 2023, ah, coronavirus, c'est Manigoli, moi. Hé, 2023, mais là, 2023. Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Vous étiez où en 2021? Nous aimons la manière de Dieu de faire. Pour toujours et chaque fois. Attendez pas 2023. Vous êtes là. Attendez pas 2026. Vous êtes là. Attendez pas 2026. Ni aucune autre année là. Attends. Soyez prêts à tout moment. Vous êtes là. Attendez pas. Nous devons dire ce que Dieu a dit. Vous savez, tout le monde va vous bénir en zambas sur le coloba. Êtes-vous là? Vous allez là. Alors quand je vais dans la prédication orale. La finalité à Wakolobaboué. L'église de Philadelphie. Et le corps église à Philadelphie. Réussi par Frère Branham. C'était un minage pour Branham. Il va faire de la récapitulation. Yé, à cause de la Kamakamoule, là, vous pouvez dire qu'il y a un peu de la Kamakamoule. Là, l'Italie, il est pour l'église à. Avec Philadelphie, c'est le sixième âge qui peut le faire. Avant l'âge de la Odyssée. Yé, l'Ibosso, il est pour la Odyssée. Philadelphie. Philadelphie. Il a duré dans 1700 à 1906. Philadelphie. Donc Philadelphie. Philadelphie a duré. Yango Umelaki. L'âge de Philadelphie. Il est à Philadelphie. A duré de 1750. En 1906. Parce que c'est 1906 que la Odyssée commence. Vous allez voir Nandé, dans mon kama, tout coup libois, dans mon tout bandé, il est qu'on a. Ici. La Odyssée bandé. Si nous faisons la durée de ça, c'est pas, j'ai fait à peu près combien? Vous avez déjà fait le calcul? Bon, je vous fais confiance. 156 ans, la durée. 200 ans? Ok, donc c'est pas bien entendu. Excusez-moi. 256 ans. Voilà. Mais avant Philadelphie, il y avait un âge le plus long. Il y avait d'abord Sardes et avant Sardes, il y avait Thyatire. Thyatire, c'est le plus long de tous les âges. Le plus long. Thyatire. Bon, si je peux peut-être inverser. Si âge de, je mets ici âge de Laodicée. Alors, on a été l'école à Laodicée. Donc 1906, pour que vous ayez la succession. Alors je mets ici Thyatire. Âge de Thyatire. On a été l'école à Thyatire. C'est ce qu'on a appelé l'âge des ténèbres. Yango, tu viens à Kiango l'école à Molili. Je crois, il est allé jusqu'en l'an 1000. On va dire où est-ce qu'on était? Attendez. Là. 1520. Voilà. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Là, 312. À 1520. Parce que Sardes, ici au milieu, c'est 1520 à 1750. Voilà. Et je pense qu'ici, il faut... Non, c'est pas ça. 606. L'an 606. Ça nous fait combien d'années? La motoba. Quelle durée ici? Vous qui faites les calculs. Rapidement. 1520. Motomoko, Kamamitano, Natukumelembale. 10, ça fait 4. 1 ici. 5 moins 6, 15, ça nous fait 914 ans. Donc c'est le plus long de tous les âges. Et on appelait ça l'âge des ténèbres. De la domination catholique romaine. Ah, Maliboa, et c'est l'ami, il est pour la Molini. Et c'est dans cet âge-là, ils allaient dire les Kouanas, qu'un des historiens a déclaré ceci. Bah, tout le monde va le vivre, oui. Depuis Saint-Augustin d'Hippone. Jusqu'en l'an 1580. Les catholiques ont martyrisé 68 millions, je crois, de personnes. En cette période, des millions de ceux qui sont martyrisés, pendant ce temps, Natangwana. Que Dieu soit miséricordieux. Alors, je vais lire un peu le commentaire de récapitulation. La prédication apportée à la chair. Nous faisons une petite récapitulation. Comme tous les soirs. Le premier âge d'église est l'âge d'église. Est-ce que quelqu'un peut me dire, sans devoir réfléchir, qui était l'ange l'église d'Éphèse a duré 55 ans. De 55 à 170, d'accord? Donc, si vous avez la référence, là-bas vous aviez déjà, ici également. Ça vous donne trois durées pour l'âge de fête. Alors vous allez comparer avec quoi? Pour remettre en garde contre quel ami? Arrêtez de spéculer. Préparons-nous pour l'enlèvement. Sans spéculation. L'église d'Éphèse a duré de 55 à 170. Vous devez dire pourquoi ces variations-là. Parce qu'il y a une vérité qu'on doit retenir. Ok. Au sujet des débuts et des fins des âges de Christ. Si j'ai choisi 55, c'est parce que Paul a commencé son voyage missionnaire à cette date. Et c'est alors qu'il a fondé l'église d'Éphèse et toutes ses autres églises. En 55. Le second âge d'église est celui de Smyrne. Qui se souvient du nom de l'ange de cette Irénée, c'est exact. Et c'est à sa durée de 170 à 312. Smyrna, 170 à 312. Mettons un peu. De 170 à 312. Ça nous fait quelle durée? 142 ans. Là, c'est le deuxième aspect. Pour le premier, on a trois durées ici. Comme Dieu est bon. Moi, j'ai dit que Dieu est très bon. Il sait vraiment comment garder son église dans la ligne. Pour refuser les spéculations. Le troisième âge de l'église, c'est celui de l'église de Pergame. Les alliés à Pergame. Qui se souvient de cette église? Réponse Marc. C'est juste, cet âge a duré de 312 à 606. Donc 312 à 606. Ça nous donne combien d'années? Ça c'est Smyrne. Là-bas, c'est Pergame. Ça nous fait combien? 306 ans. Et après Pergame, c'est ça qui attire dont on a parlé. Ça tire, ça nous ramène ici. Ici, ici, flèche. Ça tire de 606, fin de Pergame, à 1720. On les lit. Alors, là je suis celui des tatis. Je me souviens du saint messager de l'ange de lui. C'est juste. L'étage dura de 606 à 1520. On a déjà calculé avec vous ici. 606 à 1520. Ça nous fait? L'âge le plus long, l'âge des ténèbres. Où plusieurs croyants des élus du Seigneur furent martyrisés. Par le système catholique romain. Et ça, les dames reposent en paix. Le suivant fut l'âge de l'église de Sardes. Étudié hier soir. Qui était l'ange de cette église? Vous souvenez-vous? Sardes, Martin Luther. Et cet âge dura de 1520 à 1750. Sardes. Donc, c'est-à-dire, on a dit 606 à 1520, 914 ans. Et puis, Sardes, ça nous va de 1520. À 1750. Combien d'années? J'espère que tu as bien trouvé. On y va. On est ensemble, non? Vous allez longo. C'est la communion. On est ami de Jésus, communion divine. Ami de Jésus, communion divine. Nous communions ensemble autour des vérités. Alors, ce soir, c'est là que c'est Philadelphie. Nous étudions l'âge de l'église de Philadelphie et l'âge de John Wesley, le messager pour ce temps-ci. Et il a duré de 1750 à 1906. C'est l'âge de l'amour fraternel. Quand nous prenons cet âge qui est ici, Philadelphie. Donc si vous voulez classer ici Philadelphie, Philadelphie. Ça nous fait de 1750 à 1906. 156. Bon, comme j'avais écrit avant, voilà. Vous avez, ok, 156 ans. Alors, le dernier, c'est l'Odyssée. Et vous savez qu'il a débuté en 1906. C'est ça, non? Il prend fin par l'enlèvement de l'église. Pas en 1923. Pas non plus en 2023. La fin annoncée dans la parole pour l'âge de l'Odyssée, c'est l'enlèvement de l'église. Au cours de quelle année, personne ne le sait. Quel jour, quel mois, personne ne le sait. Quel date, personne ne le sait. C'est l'enlèvement de l'église qui met fin à la vie. Pouvez-vous retenir ça? C'est là où Dieu a tenu le mystère. Et l'homme commence à se faire. Et tranquille, gardez la parole qui vous a été révélée. Faut pas commencer à chercher des dates et des choses comme ça. C'est pas le travail que Dieu vous a confié. Car ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre volonté. Jésus a dit, même pas le Fils de l'État. Mais le Père seul. Comprenez à ce point-là. Et toi, tu es un fils de Dieu. Et Jésus est le premier-né. Le premier-né même ne laissez pas. Dans l'exposé des sept âges de l'église. Page 374. Deuxième alinéa. Le cinquième âge qui est Sardes, non, vous savez. Ayant largement propagé la parole au moyen de l'imprimerie. Le sixième âge eut trop fait de tirer profit de cet état des choses. Et là, Oyamotoba yango isangola ki penza lolenge wana kosala makambo. Et ce fut la seconde étape de la restauration. Zala ki te nyami balé ya kozongi tsika makambo. L'âge de l'aigrette. Et le ko oyo ya ya bukokonda l'aigrette, l'aigrette. Voyez la tige. Vous avez l'aigrette qui va tendre pour sortir la balle. Yango eko pona kobimisa mbuma. Comme nous l'avions dit plus haut. L'instruction florifiée. Awa ko pelage comme cette aimait Dieu et les servait. Les missionnaires étaient nombreux. Voilà, et la parole se répandait dans le monde entier. C'était l'âge de l'amour fraternel. Et la vérité qui vient avant la Laodicée. C'était l'âge de la porte ouverte. Suivez maintenant. Ce fut le dernier âge long. Philadelphie. Philadelphie fut le dernier âge long. Combien d'années? Donc, de tous les longs âges que vous avez eu ici dans l'histoire, vous arrivez jusqu'à Philadelphie qui vient avant l'Odyssée. Philadelphie était le dernier âge long. Sommes-nous là? Il est plus long qu'Ephèse d'ailleurs. Mais il est plus court. Ici nous avons mis. Non, on doit effacer ça ici. Ça va nous induire en erreur ici. 156. Mais il est plus long que Smyrne. Plus long qu'Ephèse. Quelle que soit la date de début que vous allez considérer. Mais il est plus court que Pergame. Et il est plus court que Sardes. Mais on arrive à Philadelphie avec ses 156 ans. C'était le dernier âge long des âges qui avaient été exposés jusque-là. Qui dit amen à la vérité? De tous les âges qui avaient été exposés depuis Ephèse jusqu'à Philadelphie, Philadelphie était le dernier âge long. Ce n'était pas l'âge le plus long de tous les âges. Mais il était le dernier âge long. Par rapport aux six âges exposés jusque-là. Gardez chaque vérité à sa place, s'il vous plaît. Parce que sinon vous glissez. Il gymnastique n'a pas de fondement. C'est sur le dernier âge long. L'âge de l'Odyssée qui allait suivre serait un âge court. Il ne dit pas en faisant cette comparaison que l'âge de l'Odyssée qui allait suivre sera un âge court. Par rapport à Philadelphie. J'insiste ici pour ne pas vous laisser glisser. Déjà éliminé. Donc Philadelphie n'est 156 ans. Comme ça, tu vas encore prendre 1906 plus 156 et tu tombes encore dans un piège. Oui, sous mon tambour. Qui va amener les gens à dormir tranquillement. On a encore beaucoup de temps, frère. Ne faites pas ça. Chaque vérité a sa bonne place. Sommes-nous d'accord? On y va. Il dit, ce fut le dernier âge long. Mais l'âge de la Odyssée qui a réussi. Quand c'est mis au conditionnel, ne changez pas le mot du temps. Quand ça ne signifie pas la même chose. Là où je dis serait, gardez ça. basi alobi lolenge wane kwa zalolenge wana wana mabandi mabandi mkele pona nini moto ayebi angote. Gardons la pensée telle qu'elle est exprimée. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire amen à ça? Vous allez moto pour la colova, vous allez pour la solo. Pour la copie sama, vous allez vous senga et bolingo la solo. Et allez-y, bolingo la kuninga la kapia makambo. Tenez-vous sur la vérité. Boutele ma mobile pour la solo. L'âge de la Odyssée par rapport à l'âge de Philadelphie. Et la Odyssée, pourtant, il est Philadelphie. L'âge de Philadelphie, c'est le dernier âge long. Ils allaient le de quel on a connu la durée. Et pas une wana pour un côté de l'Odyssée. Ils allaient par rapport à l'âge de la Odyssée qui allait suivre après. Pourtant, il est la Odyssée, c'est là qu'il est en Philadelphie. La Odyssée serait. La Odyssée est Kozala. Et Koki Kozala. Ah. Pas Kozala. Mais et Koki Kozala, nous poussons. Il est amen, non? Vous voyez, quand vous spéculez, vous vous excitez. Maintenant, on vous dit la vérité, vous commencez à réfléchir. Or, c'est la vérité qui doit nous exciter. Oh, mon Dieu, comment quelqu'un va aller jusqu'à dire nous ne pourrons pas dépasser en 2023. Mais tu dit, c'est le bas. Et dans l'église aussi. Un prédicateur, un pasteur. Nous aide. Soyons modestes. S'il faut utiliser le conditionnel, utilisez le conditionnel. Vous avez dit, peut-être qu'on ne terminera pas 2022. Et là, je donne mon opinion personnelle. Je ne vais pas faire la parole infaillible de Dieu. Que ça devienne une infinie, le Seigneur, non. Mais les gens qui accrochent commencent à faire une infinie. Modestement. L'âge de la Odyssée qui allait suivre serait. Et la Odyssée qui allait suivre. Mais nous n'en connaissons pas la durée exacte. Parce que l'année de la fin est tenue dans le mystère de Dieu. Qui dit amen? Non, avait dit que l'œuvre sera abrégée. Dans les derniers jours, parce que si l'œuvre n'est pas abrégée, personne ne serait sauvé. Mais à cause de la À la page 318. C'est un bon et long commentaire, mais utile. Apocalypse 3, verset 13 dit. C'est celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et on ajoute. Chaque âge reçoit pour finir le même avertissement. C'est l'exhortation constante aux églises. Pour qu'elles secouent la voix du Seigneur. Dans cet âge, l'exhortation est encore plus pressante que dans les âges précédents. Dans Philadelphie. Dans cet âge, la venue du Seigneur devient vraiment imminente. Alors qu'il n'était pas le dernier âge, on voit l'avertissement sur l'avertissement. On pourrait se poser cette question. Il y a un autre âge après celui-ci de Philadelphie. Mais pourquoi cette urgence? Réponse. Yano. Voici la réponse. Sala yano. Le dernier âge sera très court. Et les coraux et souka et qu'on a la moukoute mingi. Le dernier âge sera très court. Et les coraux et souka et qu'on a la moukoute mingi. Par rapport auquel? Je vous pose la question. Il sera très court. Mais par rapport à quel âge? Par rapport à quel âge? C'est là le piège. Le dernier âge sera très court. Et vous, qu'est-ce que vous devez retenir de la prédication? Il sera très court, point. Très court. Branham n'a pas dit, il sera très court par rapport à Éphèse. même pas très court par rapport à Philadelphie. Il dit simplement que le dernier âge sera très. Et nous pensons qu'il sera très. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Parce que pour commencer à comparer, vous devez connaître la durée du dernier âge. Et pour connaître sa durée, vous devez connaître l'année de début et l'année de sa fin. Alors l'année de sa fin, mystère total. Quand vous allez comparer, suivant ce qu'on dit. Vous allez Dieu est secret, mais il vous communique l'année de la fin de chaque résage précédent. Mais vous commencez à comparer. Ce que vous faites, c'est pas ce que Dieu a dit. Vous allez vous faire là, vous allez tout là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit, je mettrai au défi quiconque. Dites-moi où est-ce que Frère Branham a dit, l'âge de l'Odyssée sera plus court que celui de Fête. N'ayez pas pervenu, me la donnez. Aïe, là-bas, pensez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas la parole. On a dit, il sera plus court que Philadelphie. Oh, et pas que la parole a dit ça, je ne craindrai pas de le croire. Mais si elle ne l'a pas dit, ne venez pas me dire, nous n'allons pas dépasser 2023 sur la terre. Faites-vous. Dites ce que Dieu a dit. Et dites le tel qu'il l'a dit. Le dernier âge sera très court. Et Kozala Mokuse. Dans la première partie, il a dit, là où Philadelphie était le dernier âge long. Philadelphie est là qui est le Koyasuka Oyamulaï. Et parce que la Odyssée qui allait suivre, donc, la Odyssée, c'est la Kélanda, serait un âge court. Serait. Et Koki Kozala et le Koro Yamokuse. J'ai dit sera. Non. Serait. Il faut garder la parole. La vraie pensée exprimée, parce que serait et sera ne signifie pas la même chose. Ça vous donne tendance à comparer la durée de l'Odyssée avec la durée de Philadelphie. Mais la fin de l'Odyssée est un mystère, est inconnu. Dieu ne permet à personne de le savoir. Même pas William Branham le messager. Alors, dans la dernière partie, dans la partie concernée surtout sur l'âge de l'église de Philadelphie, le dernier âge sera très court. Et le Asuka et Kozala Mokuse Mingi. Je crois ça de tout mon cœur. Il sera très court. Mais par rapport à quoi? Par rapport à rien. Il sera seulement très court parce que la parole a dit que l'œuvre sera abrégée. Oui, que l'Odyssée est mon salaire. La ponami. C'est tout. Et fini. C'est tout. Et fini. C'est tout. Gardons ça fini. Comme ça. C'est fini. C'est pas que oh, pasteur à l'inga longo, la prophète Kouto Alobaki. Prophète Alobaki, n'a l'ongo ni n'y a ou. Na ye bisi yo kanga ya mon engue l'ombi ya oua. Kobagi se pa, mi bilo kone l'ouane. Ezo glisse, ezo ciel mouga. Ou l'ingo kwe sanga y moutou patouga. Non, je vais garder mon équilibre. Il a dit, ça sera très court. Et je répéterai très court. Et il dit, tout sera consommé en un rien de temps. Il dit, non seulement il en sera ainsi, mais n'oublions jamais qu'aux yeux de Dieu, le temps est quelque chose de tellement fugitif. En effet, 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et s'il vient dans quelques heures, selon sa vision du temps, alors bien sûr, il doit nous avertir en toute urgence. Et sa voix doit résonner sans répit dans nos cœurs. Afin que nous soyons prêts pour sa venue. L'objectif est que vous soyez prêts. Et si quelqu'un te dit, sois prêt à tout instant. Et je serre la main. Nous croyons la même chose. Nous visons le même objectif. Que les croyants soient prêts à tout moment. Que les croyants soient prêts à tout moment. Say amen. Zalibogo. This is l'objectif. Alors ici à la page 298 de la même référence, l'exposé de cette église, l'âge de l'église de Philadelphie. Paragraphe, page 298, de manière à comprendre toute la richesse du sens contenu dans cette proposition. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous devons rappeler que chaque âge passe progressivement dans les suivants. Progressivement. Il n'y a pas trop de limites fixes, figées là. Il y a comme un glissement entre les âges. Une sorte de chevauchement. Pendant qu'un âge est en train de finir, l'autre est en train de commencer, et le moment exact où il commence est imperceptible. Aucun âge ne s'est terminé brusquement. Il dit amen. Et aucun âge n'a commencé à un moment très précis. Et les commencements et maintenant en temps de suite. Voilà le pourquoi de plusieurs dates pour Éphèse. Ça là pour Éphèse, bah Nicolomingi wana. Il n'y a pas un début à un moment très précis. Ils allaient les voir le 28 novembre. À 8h15 que l'âge a commencé. Ok, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu près. Pene pene. On fixe un peu la période, mais sachant qu'il y a un chevauchement de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Décline. Il commence faiblement. Vous n'allez pas fixer un moment très précis. Il y a un peu de temps, il y a un peu de on va en retard jusqu'au janvier, en 2023, au janvier, si tout comme décembre, est-ce que ma pessagio, les jours de l'année du début, hein, les jours du mois du début de l'âge de fête? Non. Et la date du jour et le mois de la fin de l'âge de fête, il n'y en a pas. On donne approximativement l'année. Les jours, les semaines et les mois sont l'inconnu. Et la vérité est ici. Les aucun âge ne s'est terminé brusquement. Et aucun âge n'a commencé à un moment très précis. Mais au contraire, chacun s'est fondu dans les suivants. D'une manière imperceptible. Je veux vous aider. Dans les questions-réponses sur les sept sceaux, on a demandé à Frère Branham après l'enlèvement de Thiora. Il a dit qu'il y aura une période intermédiaire pour permettre à ce que le message de l'évangile passe d'un groupe de nations vers la nation d'Israël. Je vous montre quoi. Quand nous vous avons dit ici que c'est l'enlèvement qui met fin à l'âge de l'Odyssée, ce n'est pas affixé dans le calendrier au jour et date de l'enlèvement. Parce que même après l'enlèvement là, un glissement du temps se fera. Avant que l'on commence à compter les 7 années qui séparent l'enlèvement d'avec le millénium. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y aura. C'est ce qu'il y aura. Donc les temps et les moments, c'est le Père seul qui fixe. Il y a l'autorité suprême qui gère. Il regarde comme les enfants qui jouent dans les jardins ou à la ferme. Il semble vouloir maîtriser ce qu'il ne maîtrise même pas. Mais comment le il donne l'impression de maîtriser une chose, l'élément qu'il ne maîtrise même pas. Il Et chacun est fier de sa révélation. La transition entre cet âge et le suivant Katikati, na eleko, est particulièrement progressive. Donc la transition entre Philadelphie et Laodicea, même quand nous mettons 1900 ici, ça, ici, là, sachez que c'est à titre indicatif. Oui, bah, tu allez vous pour la cotali, ça, pour la tissa. Alors, quand vous commencez à calculer, rien qu'à fonctionner ça, si vous allez vous faire pour la cotali, vous avez déjà indiqué une erreur à la base des calculs. Voilà, aux alalibunga, mais bandilia. L'enchaînement entre Philadelphie et Laodicea. Hollande, on a attaqué Philadelphie et Laodicea. Ce n'est pas à mettre comme fixe-piste. Ils allaient se bouffer bandits à bandits à Bongo. Mais c'était particulièrement progressif. Parce qu'ils allaient le léger d'un groupe PESA pour que Colanda la carte. Et cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge. Il est quoi là et qu'on a le bosoté dans le Pasuka. Donc l'âge de Philadelphie. Il est quoi la Philadelphie. Il est prolongé dans le dernier âge. Et que l'année qui nous a souka. Parce que quand on met sa fin à 1906. Il y a encore 1900 ans après 1906. Mais le changement de l'âge de Philadelphie se poursuivre dans l'Odyssée. Donc non seulement cela, cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, on peut dire que le dernier âge n'est qu'un prolongement du sixième âge. Prolongement, prolongation. Le septième âge, entre parenthèses, un âge très court. Le septième. Un âge très court. Rassemble ses forces pour une action rapide. Suivez. Tout le mal de chaque âge s'y retrouvera. Ma bonne nouvelle que j'ai annoncée dans la prédication. Je vous la lis encore ici. Tout le mal de chaque âge s'y retrouvera dans la Odyssée. Et aussi toute la réalité de Pentecôte. Doit se retrouver dans cette phase. Alors que l'âge de Philadelphie arrive à sa fin, l'âge de l'Odyssée vient rapidement amener l'Israël comme le congrès à maturité pour et ça, cette vérité, nous aimons. Que Dieu soit béni. Alors il dit ceci comme dernière phrase de ce paragraphe. On ne peut pas dire à quel moment exact l'automne a pris la place de l'été. Le passage se fait de façon imperceptible. Il en est de même pour les âges de l'Église et plus particulièrement pour les deux derniers. Philadelphie et Laodicée. Plus particulièrement comme un changement de saison. Et Dieu, votre Dieu qui est le Créateur, qui change les temps et les circonstances, a permis que la veille de ce message que vous avez prêché, une grande pluie tombe. Alors, quand est-ce que la saison sèche avait pris fin, la dernière saison sèche ici chez nous? Comment? Nous. Ben alors, en fonction de quoi vous l'avez dit? Le 15 août. Voilà. Pourtant, il y a eu déjà une pluie. Avant la pluie d'aujourd'hui, qui donne l'impression d'être la première pluie. Abondante qui est tombée même ici à Salon. Mais il y a quelques semaines, une pluie était tombée du côté de Tchang. Mais ici chez nous, c'était juste une menace. La saison sèche de 2022 a pris 5 ans. Sans avoir beaucoup qui a coûté mes balais tout comme les balais et ceux qui sont la réponse est sincère. C'est imprécis. Vous venez de les vivre. Vous voyez, vous-même qui avez vécu ça. Vous allez avoir des dates. Ça doit être. Ça prouve là, c'était quel jour? Mais alors, moi, chez moi, je n'étais pas tombé. Chez moi, la saison de sèche continuait. Je vous dis que pour moi, chez moi ici, la saison sèche venait de prendre fin la nuit ici. Je suis à Kinshasa comme les autres. Hein? Mais c'est que c'est à Tchangu, c'est déjà fini. Pour bango, nous, l'amour à Maka, c'est bête à Kikuna. Mais nous sommes dans la même ville, même pays. Alors, chacun vit ses réalités. Et c'est ce qui se passe pour le changement d'âge entre Philadelphie, le 6e et la Odyssée, le 7e. Vous ne savez pas dire à quel moment précis. Alors, ne commencez pas à fixer des dates, des années précises. 2022. 2026. Arrêtez le sujet là. Préparez-vous. Cherchez le Saint-Esprit à tout moment. Ayez de l'huile dans vos lampes à tout instant. Si l'objectif de celui qui vous dit 2023, c'est de pouvoir recevoir le Saint-Esprit immédiatement. Alors là, dans les détails, nous sommes divergents. Mais dans l'objectif, nous poursuivons le même but. Que vous soyez éveillé. Alors là, on se serre la main, nous sommes prêts. Mais dans les commentaires, nous sommes divergents. Mais dans l'objectif, c'est la même chose. Pourquoi on a dit ça? C'est pour vous faire paniquer. Non, c'est pour vous inciter à chercher le Saint-Esprit immédiatement. Avoir les choses de Dieu à tout moment. Cet objectif est noble. Et Dieu vous bénisse. On se lève pour la prière. En gardant la vérité, la parole prophétique. Que la gardez chaque jour à tout instant. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'élément. Il n'y a pas de glissement dans notre pensée. Nous gardons la parole telle qu'elle a été fait. Amen, amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Et glorifiez Dieu. Avant de pouvoir prier, louange à Jésus-Christ. Réveille, le jour de la rédemption est proche. Cantique 3 seulement, le numéro 161. Les nations se disent l'homme, Israël se réveille, les signes que les prophètes aient dit. Les jours des gens du comté, en tremblant d'horreur, bientôt sera l'éternité. Les jours de la rédemption est proche. Oh, le cœur des hommes défaille de peur. Sois rempli de l'esprit, ta lampe est éclairée. Regarde, ta rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. Les jours de la rédemption est proche. N'attendez pas 2023. N'attendez pas 2026. Mais attendez l'enlèvement. Préparons-nous et soyons-nous prêts. À tout moment. Personne ne connaît ni les journées là. Soyez prêts à tout instant. Prions chacun. Du pasteur Willy Mifongo. Je demande au pasteur et aux saints de cette église, parce que vous avez Dieu, veillez les prier pour qu'il me garde dans mon voyage missionnaire au Cameroun, en transitant par Congo populaire, Congo Brazzaville, et qu'il prenne soin de tout. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons dire un mot de prière en faveur de notre frère. Prions chacun. Écoutez la belle des bergers, il sait ses brebis en danger, lui il les appelle avec amour, espérant toujours les retours. Amen, amen, le amen, amen, le amen, les amen, âgés. Oh, amen, amen, le amen. Perdu à mon frère, amen. Amen. Église, amen. Amen. Amen. la voix dit, péché ramène, ramène-le, oh, ramène-le. Amène les perdus à Jésus. Dieu bienveillant, notre Père Céleste, nous disons abondamment merci pour cette matinée. Tu l'as voulu fraîche, au dehors et dans nos cœurs. Et tu as voulu nous rafraîchir la vérité de ton message, que tu nous demandes de garder fidèlement et de répéter. Ton message est important pour notre préparation jusqu'à l'enlèvement. Mais l'ennemi le déteste. Il le combat. Et il a suscité parmi nous, dans les milieux du message même, des livrets. Des gens qui se droguent pour propager des mensonges au nom de Frère Branham. C'est une semence bien identifiée, la semence de la discorde. Nous te prions de nous garder de ces méchants. Comme Paul avait réclamé que l'église de Thessalonique prie Dieu pour que Dieu les délivre des méchants de la Judée. Nous réclamons auprès de toi que tu délivres tes élus de tous ces hommes méchants et pervers. Qui sillonne ça et là, pour passer des mensonges, déformant les citations, pour faire discréditer le message. Mais nous croyons que ta parole ne changera jamais. Le but pour lequel tu l'envoies, ce but sera pleinement atteint. Et ton église sera arrivée. Et tu nous exhortes à attendre l'enlèvement. Non pas une année spéciale, mais attendre l'enseignement du retour de Christ. En ayant le Saint-Esprit dans le cœur, le sceau du Dieu vivant, exauce chacun de nous, prends soin de notre précieux frère Willy, pour la requête qu'il a soumise à l'Église. L'Église n'a fait que te la transmettre. Ô Dieu, en toute simplicité, nous implorons ta grâce pour que ce voyage soit une réussite et que les temps de paradis soient gagnés et que nous soyons attrapés par le filet de la vie et que tous les mensonges soient confondus. Soutenez le Seigneur et oint-le de ta grâce afin que les paroles de grâce assaisonnées de sel sortent de sa bouche et que cela sauve quelques-uns. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que les malades soient guéris, que les perdus soient sauvés, que les faibles soient fortifiés, que les affligés soient consolés, que les âmes ténébreuses soient éclairées. Au nom de Jésus-Christ, reste avec l'Église, nous conduisons merveilleusement et faisons concourir toutes choses à notre bien. Que ta grâce véritable coule et soit donnée à chacun, que chacun la reçoive vraiment et a bénéficié complètement. Au nom de Jésus-Christ et par le sang rédempteur, le sang d'Emmanuel, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.